Comme il est de plus en plus cher de se loger dans les grandes villes, certains préfèrent louer à plusieurs un grand appartement. C'est plus économique, pratique et convivial. On se partage le loyer, mais aussi les repas et les tâches ménagères, et on se sent moins seul. Cette formule plaît non seulement aux étudiants qui ne trouvent pas de chambre dans les cités universitaires, mais aussi à d'autres catégories de la population, des personnes de 35 à 49 ans qui redeviennent célibataires après un divorce, par exemple, ou des provinciaux qui travaillent à Paris pendant la semaine et retournent chez eux le week-end. Les colocataires se rencontrent par petites annonces dans la presse ou sur Internet. À Paris, un café organise chaque jeudi des rencontres entre futurs colocataires. Êtes-vous fumeur ou non-fumeur? Aimez-vous vivre la nuit ou le jour? Êtes-vous ordonné ou désordonné? Végétarien ou carnivore? Il est préférable de connaître les goûts et les habitudes de l'autre avant de se lancer dans l'aventure de la cohabitation.